Cette nuit, je me suis réveillé et je t'ai regardé. Cette nuit, je me suis réveillé, mais t'avais filé. J'ai vu que tu t'étais envolé. Je me suis demandé à quoi peut-elle bien rêver, ma petite beauté. Oh, où tu vas, dis, quand je dors pas, dans quel bras, dis, tu t'en vas. Oh, où tu vas, dis, quand je dors pas, dans quel bras, dis, tu te vois. T'avais un air si charmé que je t'aurais claqué. Tu t'es mise à me murmurer. J'ai écouté, mais j'ai rien pu deviner, non, de tes pensées. Où tu vas, dis, quand je dors pas, dans quel bras, dis, tu te vois. Oh, où tu vas, dis, quand je dors pas, dans quel bras, dis, tu t'en vas.